Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que dans un premier temps, qu'il y avait c'était le Grand Prix cycliste de Ville-Saguenay qui s'est déroulé au cours du week-end. Et c'est le Québécois Nicolas Zuzowski qui a remporté le Grand Prix cycliste de Ville-Saguenay. Il a devancé entre autres l'Américain Matthew Zimmer qui a pris le deuxième rang et le Dominicain Milan Jiménez qui a terminé au troisième rang. En plus d'avoir remporté la victoire, Zuzowski a gagné le maillot vert pour le plus de points amassés, ainsi que le maillot blanc pour le plus de points amassés pour un jeune de 22 ans et moins. Le directeur général du Grand Prix cycliste, Simon Ouellet, a dressé un bilan fort positif de la 5e édition, malgré la température qui était très, très maussade. Transaction importante chez les Marquis de Jonquin, les Marquis qui ont cédé leur choix de première ronde et leur choix de deuxième ronde, ainsi que le gardien de but, Raphaël Girard, et l'attaquant, Samuel Blanchette. Donc les Marquis qui ont cédé, qui ont fait cette transaction avec le Cool de Saint-Georges-de-Beauce. En retour, les Marquis obtiennent le gardien de but Kevin de Poulin, le deuxième choix au total qui est devenu Mathieu Carr, ainsi que le défenseur Gabriel Vespiz. Avec le deuxième choix total, les Marquis ont ajouté le défenseur Jonathan Narbonne qui a joué en 2012 avec les Cataractes de Shawinigan et qui a gagné la Coupe Memorial. En troisième ronde, les Marquis ont mis de la robustesse en sélectionnant le défenseur Sean McMorrow, qui avait signé un contrat comme joueur autonome l'an dernier, mais qui n'avait pas joué avec les Marquis. Dans les autres choix, Bob Desjardins a repêché le défenseur Olivier Galipeau, qui est en septième ronde, lui qui a porté les couleurs des Saguenayens, mais qui s'aligne maintenant dans la Ligue américaine de hockey. C'était la 11e édition du défi des escaliers qui se tenait à Québec, et ce qu'il faut retenir, c'est au 9 km, notons la troisième position de Stéphanie Nadeau de Saint-Félicien. On va parler maintenant du côté du soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient hier. D'abord, dans les seniors féminins, victoire du FC de Jean Dumas 3-0 sur le Chinook de Chicoutimi. Verdict nul de 7-7 dans la catégorie U16 masculine entre le Chinook et le FC de Saint-Félicien. Et également, dans les autres matchs, notons également que match nul de 7-7 entre le FC de Saint-Félicien et la formation du Chinook de Chicoutimi dans la catégorie U16 masculin. Et je termine avec de la balle molle. Il y avait des matchs hier à Robertval. Piazzotto-Roussel a défait AEW 14-12, Megavac 11, Saint-Hubert 8 et le Zodiac a défait Garma 8-3. Sport local et régional à danadosport.com.